échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Marcoux au microphone et Jean-Philippe Boisbriand, vous le savez, fait tout le reste. Et il a un chapeau. Aujourd'hui, plein de choses. Du Os Mutantes, du Gilberto Gil. Qui d'autre? Tiens, Imperio Diablo. Un petit bout de Rachetta, évidemment. Sleaford Mudd. Je ne sais pas qui c'est. Du Al Japanese, eux, on sait qui c'est. Ween aussi, on sait. Holy Drug Couple, et etc. Il y aura tes cocus. Oui, et qu'est-ce qu'on fait? On commence. Voilà, maintenant, tout de suite. Coragem pra suportar e somente plantar, coragem pra suportar e somente colher, coragem pra suportar. E mesmo quem não tem,

ça c'est du joli fond sonore. Ben, ça commençait comme ça, des échangeurs d'air pour cette semaine, avec d'abord Os Mutantes qui nous faisait sur Os Mutantes de 1968, la pièce Panis et Circenses, du pain et des jus. Et des bons jus. Os Mutantes, bon, ils sont pas si connus ici, quoique, de plus en plus. Merci Internet aussi. Formé à Sao Paulo, au Brésil, par les frères Arnaldo Batista, Sergio Dias et Rita Lee. Ensuite, il y a deux autres personnes qui sont arrivées comme ça, puis Lee a quitté ou a été renvoyé, c'est pas clair. Puis est-ce qu'ils s'en souviennent, parce que Arnaldo avait quitté le groupe en 73 à cause de ses problèmes de LSD, tout ça. Alors c'était les années 70. Voilà, ils ont repris en 2006, puis ils font de la tournée maintenant, ils se promènent un peu partout, ils sont même venus à Québec, où vont venir. Jean-Philippe les a vus en show à Montréal. Ensuite, on avait Gilberto Gil qui nous faisait sur Gilberto Gil de 68 la pièce Coraggium pra supportar. Oh mon Dieu, voilà, excusez-moi, voilà. Il a joué, j'ai appris tantôt en lisant sur lui qu'il aurait joué un peu avec Pink Floyd, Yes et Incredible String Band. Sinon, c'est pas l'effet les plus marquants de sa carrière. Il est devenu ministre de la Culture à un moment donné, qui était plus populaire que lorsqu'il a été emprisonné. En fait, il a peut-être été emprisonné parce qu'il était populaire, justement, par la junte militaire. Soutenu par qui, la junte militaire qui a fait un coup d'État? Les États-Unis, comme c'est étrange. C'est ça, pourtant, c'est pas dans leur habitude. Gilberto Gil, c'est une des plus grandes vedettes de la musique brésilienne, de loin. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Imperio Diablo nous faisait Diablada sur Imperio Diablo de 2007. Ils sont pas mal amusants, eux. C'est un orchestre de 9 musiciens qui mélangent l'électronique avec de la musique traditionnelle. Parfois, ça s'appelle le genre de style s'appelle le Beat Villa. Puis ils font toutes sortes de trucs en dingue et tout ça. Puis ils s'amusent beaucoup, puis c'était plutôt chouette. Ce sont des Argentins, oui, me dit Jean-Philippe. Meridian Brothers nous faisait Donde Estas Maria sur l'album Donde Estas Maria de 2017. Eux, vraiment, là, Meridian Brothers, c'est Eblis Alvarez, qui est une espèce de fou de la musique, qui s'amuse à faire des variations sur à peu près tout, avec des rythmes latins, tout ça, puis il se joint à des gens qui sont sur la photo, mais dont on ne sait pas les noms, par exemple. Et puis, c'est un Colombien, il fait de la cumbia, de la salsa aussi, et mélange toutes sortes de choses ensemble pour notre plaisir. Axel Krieger nous faisait Echale Semilla sur Echale Semilla de 2001. Axel Krieger qui est né à Buenos Aires, puis a été saxophoniste, puis il a étudié la flûte traversière, le piano, ce qui lui a probablement permis de devenir un compositeur de musique de film, de musique de danse, de théâtre et tout ça. C'est surtout ça qu'on retrouve dans son œuvre, puis aussi quelques albums qu'on aime faire jouer ici. Et Señor Coconut, un de nos préférés, Señor Coconut, un des préférés de l'émission, c'est Huey Schmid, qui nous faisait Chocolatina sur El Gran Bay. Chocolatina, c'est Guaguanco Libre. Puis Huey Schmid, donc, on le connaît sous le nom d'Atom Heart, Atom, Eric Satin, Lisa Carbone, Señor Coconut. Puis il fait de la musique latine et parfois des trucs qui sont moins latins. Mais il fait de la cha-cha-cha, de la rumba, du merengue et toutes sortes de choses. Il reprend des trucs de Kraftwerk, Madonna, Michael Jackson, Daft Punk. Il s'amuse beaucoup. Puis c'est ça qui était ça. Ça commençait comme ça. Voilà. Better than a lady. So I'm going this morning. I'm walking. Oh shit. Boom, boom. Don't. Just keep it going. So I'm going this morning and I went to the loo and he walked out of cubicle and it fucking stunk. Every morning I get in and it's the same time, same trap, same stink, and it glides through the air. By the time it's in ya, it's been pacified by 10 yards of fresh air. Livable shit. You put up with it. Livable shit. You put up with it. And the gnarly fucking arseholes that gather no balls to do anything apart from sliver, mixed in with knowledge and no localism, just fake accents nicked from someone posh they might have met in Shoreditch, a vegetarian vet, Lou fucking Reed, whoever, GG fucking Allen. Gestures of violence to anybody that can't see or hear them, that kind of prick. That kind of shit. Livable shit. Like 3 months of rain. Nobody likes a fucking Tory rain. The Prime Minister's face hanging in the clouds like Gary Oldman's Dracula. As canoe wreaths drove up to the fucking castle. Laughing really badly. Relentless. Like the gears on a bus if you sat at the back. Next to a noisy twat, St. George's flag twat. Livable shit, livable shit. You put up with it. Livable shit. You put up with it. You put up with it. You put up with it. You put up with it. You put up with it. No, hold on. So now I don't dream of anything. I just wait for it to turn up. It's the atmosphere around here. Just chopped my legs off, look. Made me lazy. Made me worry about the streets behind me. Trees like triffids. No time. The grass is always greener. On the other side, break on through and end up in a posh cemetery in Paris. It's not bad. You fucking livable shit. That was any good. Livable shit. You put up with it. Livable shit. You put up with it. You put up with it. You put up with it. Hush shoes over my front door, working for me all day long. I saw it all loud and clear, as bright as a thousand suns. Heads or tails, I win both ways. Or tails or heads, I'm gonna get you back. Heads or tails or heads or heads, I'm gonna get you back. My shoes on my front door, working for me day and night. We'll be right back. I tried to fly, made a tie, and then it tried to get me down. I wanna buy, make me fly, get me high so I can try. And then you try, little bird, you start to cry, so happy. may be confused. They may be confused. They may be hallucinating. They may be hallucinating. Thank you. les échangeurs d'air avec vous toujours jusqu'à 22h. Le bloc s'est terminé avec le groupe des Ophelias. Strange New Glasses sur l'album de Big O de 1989. Et on peut dire que les Ophelias, c'était psychédélique. Néo-psychédélique. En fait, il y a même un type de Rolling Stones qui disait que c'était le seul vrai groupe psychédélique des années 80. N'est-ce pas? Mais c'est vrai que c'était psychédélique. On est d'accord. Ils viennent de San Francisco, d'abord. Ce qui est une preuve. Je pense qu'on n'a même pas besoin d'aller plus loin. Donc, s'ils viennent de San Francisco, ils sont psychédéliques. Ou post-punk. Voilà. Alors, Jean-Philippe n'a pas l'air d'accord avec moi. Ce n'est pas grave. Nous ferons sans lui. Proof of Utah nous faisait Betty's Pleasure juste avant sur A Dog, A Dodo and a Fool de 1984. Eux sont assez drôles aussi. Bon, pourquoi ils s'appellent Proof of Utah? Parce que un des membres du groupe a entendu ça dans une conversation à un moment donné. Parce que c'est quoi la preuve de l'Utah finalement, hein? Et c'est resté. Donc Proof of Utah. On en a mis quand même assez régulièrement. Particulièrement de cet album-là. Ça parce que c'est bon. Voilà. Avant ça, on avait Yura Yura Tes Cocu, qui est vraiment un très beau don de groupe, qui nous faisait quelle pièce ici? Sweet Surrender sur Hollow Me Beautiful de 2007. Yura Yura Tes Cocu, on sans doute son japonais de Tokyo. Yura Yura Tes Cocu, qui sonne un peu rigolo en français, ça veut dire l'Empire vacille en japonais. Puis ils sont trois là-dedans qui s'amusent à faire des beats psychédéliques rock plutôt. Et c'est plutôt très bon. Aussi, on en a mis quelques fois et nous allons continuer à faire cela. The Holy Drug Couple nous faisait Willow Weed sur Noctuary de 2013. Est-ce que c'est la première fois qu'on en met, Jean-Philippe? Ouais, on n'est pas sûr, mais c'est ça, c'est un groupe de rock psychédélique aussi, de Santiago au Chili. Donc, ils viennent pas de San Francisco, donc. Bon, toute ma théorie s'écroule, voilà. Alors, puis ils ont commencé en 2008 et continuent maintenant. Pas une tonne d'informations sur eux, mais à part que c'est très plaisant à entendre et que c'est le genre de truc qu'on aime, surtout dans un bloc qui était finalement relativement psychédélique. Voilà, Ween précédait avec Little Birdie sur Pure Guava de 92. Ween, c'est rendu difficile, finalement. Ils sont revenus ensemble depuis 2015. Ils s'étaient séparés, mais d'une drôle de façon. Qu'un des deux membres n'a pas tout à fait compris, alors il a comme refusé que ça soit fait, tout simplement. Quand l'autre a dit qu'il s'était séparé, il s'en souvenait plus. Alors, la séparation n'a pas fonctionné, donc il continue. Voilà, c'est quand même pas si mal. Al Japanese, moi je les ai connus il y a longtemps. Je pense que leur premier album, faudrait que je vérifie, était un album double. C'est ça la première chose que j'ai vue. La pièce s'appelait Horse Shoes, et The Band That Will Be King, de 1989. Al Japanese, deux frères qui n'étaient pas des musiciens terribles au début. Jad Fair et David Fair. Puis ils sont entourés de gens qui savaient plus jouer qu'eux, peut-être, au départ. Puis eux se sont améliorés, comme dans beaucoup de cas de ce genre-là. Mais c'était surtout leur inspiration, les paroles des chansons de monstres, de surnaturels et tout ça, qui ont fait leur réputation. Avant ça, on avait de Sleaford's Mods, qui nous faisait Lovable Shit sur Divide and Exit de 2014. Groupe très intéressant aussi avec Jason Williamson qui s'occupe des paroles et Andrew Robert Lindsay Fern qui fait la musique. Puis Williamson utilise ce qu'on appelle le Sprechgesang qui a été inventé par Engelbert Humperdinck, mais pas le même. C'est un autre du 19e siècle. Et on retrouve surtout la première vraiment utilisation de ce Sprechgesang dans le Pierrot lunaire de Schoenberg. Alors, pour ceux qui s'intéressent, alors, c'est une façon de chanter qui est un peu mi-chanté, mi-déclamé, par exemple. Et c'est un truc que ce groupe utilise toujours.

C'était difficile de rater les hits de Rachid Taha. Peut-être que vous avez entendu, si vous avez écouté la radio toute la journée, ces hits-là à plusieurs endroits, dans plusieurs autres radios, possiblement. En fait, non, possiblement dans seulement une autre radio ou deux autres. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui font jeu du Rachid Taha. Sidi Haïch, c'est là où il est né, semble-t-il, avec une mère originaire de Mascara. Puis ils sont déménagés en Alsace, à Sainte-Marie-aux-Mines. En 68, il a été mis chez des sœurs parce qu'il était turbulent. Puis c'est à ce moment-là, en 68, ça veut dire qu'il était déjà, une dizaine d'années, voilà. C'est là qu'il a appris à écrire l'arabe et à parler de l'arabe littéraire en écoutant du Oum Kalsoum. Eh oui, Oum Kalsoum que on en a mis ici quelques fois. Puis c'est plutôt intéressant. Il a fait des hits, plusieurs hits, et un de ses plus grands hits, c'était la reprise de Rock de Casbah, de Clash. Mick Jones, c'est ça, le fondateur du groupe de musique de Clash, a trouvé que la version de Rachid Taha était meilleure que la leur. Puis ils ont chanté ensemble cette version-là quelquefois. Puis là, il y a eu, savoir est-ce qu'il y a eu la nationalité française ou pas, la question se pose. C'est ça. Alors il disait qu'il la voulait. Finalement, il n'a pas voulu. On pense qu'il l'a pas eu finalement, possiblement. Puis qu'il en voulait pas. Mais les cartes de séjour montraient assez bien ce que c'était que de pas avoir la nationalité française. Il s'est battu beaucoup pour l'intégration des immigrants en France, chose nécessaire. Il est décédé tôt, vraiment très tôt. C'est ça, il y a une crise cardiaque, 59 ans. C'est ça, ça peut arriver lorsqu'on mène une vie pas toujours sage. Il n'a pas toujours été si sage. C'est ça, il y a des gens que je connais qui n'ont pas été sages et qui ne meurent pas et qui sont dans les 90. Comme ça, mais lui, ça l'a frappé très rapidement. Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? Parce qu'il nous reste un petit bloc avant que Benoît Arcand arrive pour faire Terrain Vague. Et avec un groupe qui s'appelle Japan Cakes. Ça commence comme ça. Thank you. Une minute trente. Ouais, voilà. Alors, ça se termine comme ça. Benoît Arcand est arrivé pour faire Terrain Vague. Et nous, on a terminé avec Always Stuck with Living, pardon, de Japan Cakes sur l'album Belmondo de 2002. C'est très intéressant. Les autres, ça vient de Athens, en Géorgie. On aime ça. Puis on va en remettre. Voilà. Holy River, Family Band nous faisait Welcome When the Morning Comes sur Welcome to the River House. Ce sont des Suédois. C'est comme un side project, comme on dit dans le monde de Spacious Minds. C'est ça, de Jens Unnarsson. Et la dernière pièce, c'était D.O.C.'s Neighbor to None, Memory of a Cut Off Head. C'est le titre de l'album de 2017. Et ça aussi, c'est chouette. Et je vous dis quoi? Je vous dis à la semaine prochaine.